Chapitre 14e, le ressort de montre. Pendant que la sanglante tragédie que nous venons de raconter était en voie de préparation, Carmela recevait par la poste une lettre portant le timbre de Paris. Cette lettre sans signature ne renfermait que ces quelques lignes. Le vicomte Hector de Livron est marié avec Angèle Maréchal, présentement dame de compagnie de la duchesse de Clodion. Ci-joint une copie de leur acte de mariage. Cette révélation produisit sur Madame de Sanlouco l'effet d'un coup de massue. « Le misérable !» dit-elle, après avoir pris connaissance d'un papier qui était joint à cette lettre. Mille pensées contradictoires traversèrent son esprit. Tantôt, elle était résolue à chasser honteusement Hector de chez elle. Tantôt, ses transports jaloux se tournaient contre l'épouse légitime qui se dressait comme une éternelle rivale entre elle et le vicomte. Mais quoi qu'elle voulût faire, son cœur lui répétait « Pauvre folle, tu l'aimes, tu l'aimes !» Elle sonna et Rose accourut. « Connaissez-vous la dame de compagnie de la duchesse de Clodion ?» lui dit brusquement sa maîtresse. « Je l'aperçus plusieurs fois, » répondit la camériste. « Comment est-elle ? » « C'est une jeune femme, la physionomie triste et la tenue modeste. »« Ce n'est pas ça que je vous demande. Est-elle belle ?»« Mais autant que j'ai pu le voir, elle a dû être et est encore fort jolie, et sa fille est tout son portrait. » « Sa fille, elle a un enfant. De 6 à 7 ans, madame. » Une expression de sombre fureur se peignit sur les traits de la créole. « Si madame veut s'assurer de ce que je dis, » continua Rose, « la voici qui rentre en ce moment à l'hôtel. » Carmela courut vivement à la fenêtre, écarta d'une main fiévreuse l'un des rideaux et regarda. « Oui, oui, cette femme est bien belle, » murmura-t-elle en pâlissant. Puis, se tournant vers Rose, elle ajouta, « C'est bien. » Rose comprit et se retira. Demeurée seule, la créole se laissa tomber avec accablement sur un fauteuil. Mais secouant bientôt sa torpeur, elle se leva et consultant sa pendule. « Midi un quart, » dit-elle, « j'ai tout le temps nécessaire. » Elle alla à son secrétaire et écrivit à son agent de change de vendre toutes les valeurs qu'elle avait en dépôt chez lui et d'en tenir le montant à sa disposition. Lorsqu'elle eut cacheté ce billet et mis l'adresse, elle sonna Rose de nouveau et lui donna l'ordre de le faire porter sur le champ rue Aubert. Le soir même, Carmela avait en portefeuille tout ce qui lui restait du million extorqué à Don José, environ 800 000 francs. Elle dormit peu pendant la nuit qui suivit. Vainement, elle s'efforçait d'éloigner de sa pensée l'image d'Hector. Si un instant elle disparaissait, bien vite elle revenait se placer devant ses yeux, plus charmante, plus adorable et plus adorée que jamais. Il était à peine 10 heures du matin, quand un bruit de pas se fit entendre dans le couloir qui précédait son cabinet de toilette. Elle tressaillit en reconnaissant ses pas et ses yeux noirs étincelèrent, mais ce ne fut qu'un éclair. Refoulant au fond de son cœur sa rage et sa douleur, elle attendit Hector avec le sourire aux lèvres. Le vicomte, de son côté, s'était fabriqué un visage et un maintien pour l'entretien qu'il allait avoir avec la créole. Sa pâleur et son air morne frappèrent vivement Madame de Sanlouco, et oubliant un moment ses légitimes ressentiments, elle demanda à Hector ce qui lui était arrivé. « L'homme qui avait enlevé la fille de la duchesse est mort, » répondit-il. « Mort ?» dit Carmela. « Eh bien, et l'enfant, qu'est-elle devenue ?» L'enfant a disparu. Ce misérable cormoran jouait un triple jeu. Il feignait d'agir pour vous en même temps qu'il feignait d'agir pour le compte d'un autre. Il vous trompait tous les deux, car il a vendu l'enfant de 100 000 francs, à qui, probablement à des agents de la duchesse. Mais sa trahison ne lui a pas porté bonheur. Celui pour lequel il vous trahissait l'a fait assassiner, et demain vous pourrez lire dans les journaux la découverte de son cadavre près des grottes de Franchard. « Nous serons un peu moins riches que je ne l'avais espéré, » dit la créole d'un ton résigné. « Mais pourvu que vous m'aimiez toujours, je me consolerai facilement du reste. Mais est-ce tout ce que vous aviez à m'apprendre ? C'est tout, cher ami. Bien vrai, tout, sans doute. Ainsi vous ne me cachez rien, et que voulez-vous que je vous cache ? C'est que rarement un malheur arrive tout seul. « Et quel autre malheur pourriez-vous redouter, mon ami ?»« Que sais-je, mais malgré moi, j'ai peur. »« Peur, et de quoi ?» L'orage qui grondait dans le cœur de Carmela était sur le point d'éclater, mais cette fois encore, elle se domina. « Tous ces événements qui se sont succédés, depuis quelque temps, dit-elle, la folie de José, le retour du duc Jean, mes projets avortés au moment de leur réalisation, le vent a tourné, mon pauvre ami. » Et si j'étais assez folle pour vouloir lutter contre, il m'emporterait et me broierait. C'est pourquoi je suis décidée à quitter Paris et à le quitter pour toujours. Ce soir même, je partirai. Ainsi, vous m'abandonnez ? reprit vivement Hector, qui voyait le million de Carmela lui échapper. « Nous partirons ensemble, mon ami, si vous m'aimez assez pour m'accompagner dans mon exil. »« Si je vous aime, en doutez-vous ? » répliqua le vicomte d'un ton passionné. « Partout vous irez, je vous suivrai. Mais vous ne pourrez partir ce soir, » ajouta-t-il, « c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, vous devez songer à réaliser votre fortune. C'est fait, elle est là, dans mon secrétaire, en billet de banque. » Hector, à cette déclaration, se sentit comme pris d'un éblouissement, et il appuya la main contre un fauteuil. « Alors je n'ai plus d'objection à faire, » répondit-il. « Écoutez, » dit la créole en le regardant dans les yeux, « vous m'aimez ? Et je suis tout disposé à vous croire. Mais avant d'enchaîner pour toujours nos deux existences, j'exigerai de vous une preuve irrécusable de votre amour. Parlez, que faut-il faire ? » dit Hector de Livron. « Revenez ce soir à 10 heures et je vous la prendrai, » répondit Carmela. Nous sommes arrivés au point culminant de notre récit. C'est sans interruption que les événements préparés de longue main vont se succéder et s'entrecroiser pour aboutir au tragique dénouement qui en sera la déduction logique. C'est en moins de 24 heures que ce dénouement doit se produire. On ne s'étonnera donc pas si dans cet entrecroisement fiévreux de passion et d'intérêts opposés, l'action se déplace et agit avec les nombreux personnages qui prennent part. Ceci dit, nous entrons en matière sans plus de retard. Lorsque Sémiramis rentra à son auberge, ses yeux étaient sans larmes, mais un cercle livide marbrait le dessous de ses paupières. « Vous ramenez sans votre mari ?» demanda l'aubergiste. « Mon homme a pris les devants, et je vais le rejoindre, » répondit la veuve, de béate d'arriver à Paris, afin de dénoncer les meurtriers et qui craignaient d'être retenus à Franchard si le meurtre du cormoran était ébruité. « Comment, vous voulez partir par cette nuit noire ?»« Et par l'horrible temps qu'il fait, » reprit une servante. « Sans même dîner, » ajouta le patron. « On mettra le dîner dans ma carriole, » dit Sémiramis, « et les enfants mangeront en chemin. » La carriole fut attelée et le départ eut lieu. « Singulière Jean, » gronda l'aubergiste en les voyant s'éloigner, « si je n'avais que des clients comme cela, je serais réduit à fermer sous peu mon établissement. » Quand le lendemain matin, à 8 heures, la malheureuse femme rentra dans le bouge qu'elle avait quitté l'avant-veille avec tant de joie, ses larmes longtemps retenues coulèrent en abondance. Ses deux enfants, qui étaient brisés de fatigue, n'avaient pas tardé à s'endormir après avoir dévoré les provisions que leur mère avait rapportées de l'auberge de Franchard. Le nourrisson dormait également dans son berceau. Sémiramis courut alors chez la vieille voisine qui avait gardé ses garçons pendant son voyage à Elven, et elle la pria de lui rendre le même service pour tout le temps de son absence. « J'ai beaucoup de courses à faire, » lui dit-elle, « et je compte sur vous pour surveiller les enfants jusqu'à mon retour. Quant à mon petit dernier, avec 2 seaux de lait, vous lui ferez prendre patience. » Les choses ayant été ainsi réglées, la veuve descendit le quai jusqu'à la station des bateaux-mouches, monta dans le premier bateau qui partait et mit pied à terre au pont Saint-Michel. Elle entra résolument à la préfecture de police et demanda à parler au chef du service de la sûreté. « Il est très occupé pour le moment, » répondit un sergent de ville. « Indiquez-lui le motif de votre visite et il verra s'il peut vous recevoir. » Sémiramis griffonna tant bien que mal quelques mots sur un morceau de papier et le remit à l'agent qui alla le porter à un garçon de bureau installé dans l'antichambre du cabinet du chef. Au bout de quelques instants, le garçon de bureau vint avec l'ordre de faire entrer la veuve. Introduite auprès du chef du service de la sûreté, elle lui révéla tout ce qu'elle savait de l'association des compagnons de l'Arche de Noé et des vols divers qu'ils avaient commis. « De combien d'individus se compose cette association ?» lui dit le chef, qui soupçonnait depuis longtemps l'existence de cette bande de malfaiteurs sans avoir pu jusqu'à ce jour mettre la main sur elle. « De 7, hier encore, » répondit Sémiramis. « Aujourd'hui, elle n'en compte plus que 6, et voici leur nom de guerre. » Lorsque l'énumération fut achevée, le chef du service de la sûreté, qui avait pris des notes, lui demanda quel était le 7e affilié dont elle ne parlait pas. Il se nommait le Cormoran, et il ne fait plus partie de la bande parce qu'il est mort. « Mort ? Oui, monsieur. Les autres l'ont assassiné hier à Fontainebleau, dans les grottes de Franchard. Et c'est sans doute pour vous venger d'eux que vous venez les dénoncer ? Oui. Et je ferai mieux que de les dénoncer, je vous indiquerai le moyen de prendre tous ces bandits d'un seul coup de filet. Si vous faites cela, on se montrera reconnaissant, on vous récompensera. Je ne veux d'autre récompense que le plaisir de les voir monter tous, l'un après l'autre, sur l'échafaud. répondit la veuve avec un accent terrible. Le chef du service de la sûreté comprit qu'il se trouvait en présence d'une femme exaspérée et qu'il se fallait hâter de profiter de ses indications. « De quel coup de filet voulez-vous parler ? » lui dit-il. « Les compagnons de l'Arche doivent, une de ces nuits, s'introduire chez un riche Anglais pour y commettre un vol considérable, un vol de 7 à 8 millions. »« 7 à 8 millions ? Ils n'y vont pas de main morte, ces gars-là. » »« Et quel est cet Anglais ?»« Il se nomme Harley, Hartley, Astley, je ne me rappelle pas bien. » Et il demeure rue de Tilsit. Et quand le vol doit-il avoir lieu? Après-demain, demain, cette nuit même, peut-être, je ne sais pas au juste, mais ce doit être prochainement, et il est probable qu'avant de faire le coup, ils se réuniront près de la place de l'Étoile, dans un caboulot tenu par celui de leurs associés qu'on surnomme l'éléphant. Très bien, reprit le chef de la sûreté, mais comme la moindre indiscrétion pourrait tout compromettre, vous resterez ici jusqu'au moment de l'expédition, vous serez prisonnière. Mais rassurez-vous, prisonnière pour la forme seulement. Qu'on m'emprisonne, qu'on me jette dans un cachot, tout m'est indifférent, pourvu que mon homme soit vengé, répondit l'implacable veuve. À ce mot, mon homme, le chef fit un mouvement presque imperceptible, mais il ne jugea pas à propos de le relever de peur de tout gâter. Il se réserva d'examiner la chose tout au long lorsqu'il remit la main sur la bande de Mélinet. Pendant que Sémiramis dénonçait Maresco et ses affiliés, le capitaine prenait toutes ses mesures pour assurer le succès de l'entreprise qui devait clore d'une façon brillante et productive l'existence de la société qu'il avait créée. Il était en ce moment en grande conférence à l'entresol de la rue d'Anjou-Saint-Honoré avec Hector et le colibri. Le plan de l'hôtel de Sir Johan Astley était posé sur une table. Ce plan, dont un architecte n'aurait pas renié la paternité, était l'œuvre de colibri qui, conformément aux instructions que lui avait données Maresco dans le pavillon de la Reine Blanche, était entré en qualité d'ouvrier chez le maître serrurier qu'avait employé Sir Johan Astley. Aucun détail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'avait été omis. Le fameux cabinet du rez-de-chaussée dans lequel l'Anglais avait fait placer le coffre aux millions était teinté de rouge et le coffre se trouvait indiqué sous sa forme exacte. Le cabinet qui recevait son jour, comme nous l'avons dit, par un œil de bœuf placé au premier étage, communiquait, on le sait également, par une petite porte basse au salon derrière lequel il se trouvait, pour ainsi dire, séparé du reste de l'appartement. « Ce plan est très explicatif, » dit M. Mélinet, après l'avoir examiné avec l'attention d'un général qui étudie le terrain sur lequel il va livrer une bataille décisive. « Mais comment pénétrer dans la place ?»« Du côté de la rue de Tilsit, il n'y faut pas penser. Il y a d'abord la cambuse du concierge » et au rez-de-chaussée, la chambre à coucher de l'Anglais qui donne sur la cour, sans compter les combles où nichent les domestiques et qui ont également vu sur cette cour. Tenter d'entrer par les fenêtres du salon qui font face à la place de l'Étoile, pas possible, car ces fenêtres sont défendues par des glaces d'une telle épaisseur qu'un diamant s'ébrécherait dessus sans parvenir à les couper. Je ne vois qu'un endroit franchissable, c'est l'œil de bœuf qui se trouve à gauche au premier étage. Mais un enfant seul pourrait y passer, dit le colibri, et nous ne devons pas songer à l'aîné de Cormoran après ce qui a eu lieu hier à Franchard. « J'ai mon affaire, » repartit Mélinet après un instant de réflexion. « Ma femme, qui est petite, très mince, s'y introduira sans trop de peine, et une fois entrée, elle m'ouvrira les fenêtres du salon et j'entrerai à mon tour. »« Et moi et les camarades ensuite, » répliqua le colibri. « Moins on est dans ces sortes d'entreprises, mieux ça vaut, » répondit le maître. J'entrerai avec ma femme dans l'hôtel à 1 heure du matin. À 1h15, toi et les autres, vous quitterez le caboulot de l'éléphant pour vous rendre place de l'Étoile. J'aurai ouvert le coffre-fort et vous commencerez le déménagement des millions. Va sur le champ transmettre mes ordres aux enfants de l'Arche et soyez tous exacts au rendez-vous. Après le départ de Colibri, Mélinet Maresco se tourna vers Hector de Livran. Eh bien, as-tu vu Carmela depuis ton retour de Franchard ? Lui demanda-t-il. « Je sors de chez elle, » répondit Hector. « Quel accueil t'a-t-elle fait ? Mais son accueil habituel. » « Ainsi, tu n'as remarqué aucun changement dans son attitude vis-à-vis de toi ? Aucun. C'est singulier. Pourquoi ? Pour rien, » répondit Maresco, qui avait envoyé à Carmela la copie de l'acte de mariage d'Hector. « Seulement, elle est profondément découragée de la trahison de Cormoran. »« Ah, tu lui as appris. La disparition de la fille de la duchesse. » Au moment où elle comptait la tenir en son pouvoir, ruine toutes ses espérances et elle renonce à la lutte. Ainsi, elle abandonne la partie Elle a réalisé sa fortune et elle a décidé à quitter la France. Tu dis qu'elle a réalisé? Oui, elle part ce soir à 10 heures. Et toi? Elle m'a proposé de m'emmener. Mais si tu t'en vas avec elle, tu perds ta part de bénéfice dans notre expédition de cette nuit. C'est à quoi j'ai songé. Et si tu restes, adieu le million de la créole. J'ai songé pareillement. Ah, si j'étais à ta place, je ne perdrais ni l'un ni l'autre. Comment cela? Dame, tu dois me comprendre, ou tu y mets furieusement de mauvaise volonté. Tu as 100 millions sous la main, qui donc t'empêche? Mais elle se ferait tuer plutôt que de s'en dessaisir. Eh bien, après. Vous voulez donc, alors, laisser échapper une occasion qui jamais ne se représentera? Tu es libre, mon garçon, c'est ton affaire. Mais tu ne devras accuser que toi seul, car mes conseils ne t'auront pas manqué. Maresco, après avoir prononcé ces paroles, dont la signification était transparente, se retira en laissant Hector en proie à une agitation indescriptible. Le million de Carmela miroitait devant ses yeux effarés et semblait lui dire « Si tu me veux, je suis à toi, tu n'as qu'à avancer la main. Ma conquête vaut bien quelques gouttes de sang versé. » Et pour se soustraire à cette vision tentatrice, il fermait les yeux. Mais précaution vaine, le million lui apparaissait sans cesse à travers ses yeux fermés et l'invitait à s'en saisir. On n'a pas oublié qu'un des caractères particuliers de la folie de José était de se croire le vrai duc de Clodion et son idée fixe de s'évader de sa prison pour se venger de Carmela, qu'il regardait comme l'auteur de sa séquestration. Percer les murs, il n'y fallait pas songer, car ils étaient en pierre de taille cimentée. Il restait à scier les barreaux des fenêtres, mais il n'avait pas de lime. À défaut de lime, il brisa son chronomètre qu'on lui avait laissé et il en détacha le grand ressort. Une fois en possession de ce ressort, il attendit patiemment que son gardien, qui couchait dans la pièce voisine, fût endormi. Il avait eu la précaution, pour amoindrir le grincement du ressort, de recueillir quelques gouttes d'huile parmi les aliments qu'on lui avait servis. La nuit était venue depuis longtemps, et un silence profond régnait autour de lui. Il ouvrit tout doucement la fenêtre et attaqua l'un des barreaux. Le jour commençait à poindre quand il quitta son travail. Il referma sa fenêtre, puis il se coucha et s'endormit presque aussitôt. Il dormait encore au moment où son gardien entra dans sa chambre pour lui apporter son déjeuner. Il fut surpris de voir son prisonnier encore couché. Toutefois, il respecta son sommeil et plaça le déjeuner sur la table. 2 heures plus tard, le docteur Cavarox, qui venait le voir 2 fois par jour, le trouva encore au lit. « Seriez-vous malade ?» lui demanda-t-il en lui prenant le bras pour tâter son pouls. Don José porta la main à son front, comme pour indiquer qu'il avait la tête lourde. « Ce ne sera rien, continua Cavarox, vous n'avez pas de fièvre. » La logique déployée par le bâtard afin de conquérir sa liberté n'a rien qui doive surprendre. En effet, les fous, et surtout ceux qui se trouvent sous l'empire d'une idée fixe, s'écartent rarement du langage des gens sensés et leurs pensées restent libres et précises sur tout ce qui ne touche pas à leur monomanie. Pour accomplir le dessein qu'ils ont conçu, ils sont capables de ruses et de dissimulations qui déconcertent perpétuellement les médecins aliénistes. La nuit suivante, José attendit, comme la veille, que son gardien fût endormi, et lorsqu'il entendit ses ronflements sonores, il recommença à faire jouer son ressort de montre. Il apportait tant d'ardeur à sa besogne que de grosses gouttes de sueur tombaient de son front, mais absorbé par sa pensée immuable de liberté et de vengeance, il semblait n'éprouver aucune fatigue. À la fin de cette seconde nuit, le barreau était scié, et une forte secousse devait suffire pour le faire sortir de son alvéole. « Ce sera pour la nuit prochaine, » pensa-t-il en allant se coucher. Ni le docteur qui vint le visiter, ni le gardien qui lui apporta ses repas, ne remarquèrent rien d'anormal dans sa personne. Pendant le reste de la journée, il combina son plan d'évasion avec une netteté parfaite d'esprit. Son gardien se coucha à 9 heures, et José décida qu'il profiterait de son premier sommeil pour s'évader. Les heures d'attente sont longues, et il les employa à faire ses préparatifs. Il choisit les vêtements qu'il prendrait, et son choix s'arrêta sur ceux dont la couleur était la moins voyante. En visitant ses effets, il s'aperçut avec joie qu'il renfermait son porte-monnaie. Il fit une autre découverte, celle de la clé de la petite porte de son hôtel de l'avenue Gabriel, et en la retrouvant, ses yeux brillèrent d'une joie sauvage qui semblait dire « Enfin, je tiens ma vengeance !» Quand il se fut assuré que son gardien dormait profondément, il imprima une vigoureuse secousse au barreau scié, et le barreau céda sans résistance. José, alors, enjamba la fenêtre, se laissa glisser avec précaution sur le sable, se dirigea vers le mur d'enceinte de la maison de santé, et il en fit le tour, regardant s'il ne trouva pas une brèche par laquelle il pourrait fuir. Mais le mur était dans un parfait état de conservation. Déjà, le découragement s'emparait de lui quand il avisa un arbre dont une des grosses branches était assez rapprochée de la muraille pour pouvoir faciliter son évasion. Il se hissa sur l'arbre, gagna l'extrémité de la branche et descendit sur le mur. En ce moment, des aboiements retentirent venant du fond du parc. C'était le chien de garde qui avait entendu du bruit et donnait l'éveil. Le fou, ayant vaguement conscience qu'un danger le menaçait, se suspendit par les mains au mur et retomba lourdement sur le sol. Un réverbère placé à peu de distance lui permit de se renseigner sur l'endroit où il se trouvait. Au-dessus de la grille de la maison d'où il venait de s'échapper, il vit cette inscription « Maison de santé du docteur Cavarox ». « C'est là qu'elle m'a fait enfermer », se dit-il. Puis il continua à marcher et un peu plus loin il lut, écrit en lettres bleues, au coin d'une rue, « Rue de la Pompe ». Il savait où il était et où il devait aller et il se disposait à poursuivre sa marche lorsque l'omnibus qui va de Passy à la Bourse passa. Cet omnibus n'avait qu'un seul voyageur. Il monta dedans et quand il se trouva devant l'hôtel du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, il mit pied à terre. Comme la soirée était fraîche et qu'il n'avait pas de par-dessus, il se sentit froid. Il entra alors dans un café, mut coup sur coup deux grands américains qui le réchauffèrent, paya sa consommation, sortit et se mit à examiner attentivement les magasins du faubourg Saint-Honoré. Une boutique de coutellerie attira bientôt ses regards. Il entra, fit l'acquisition d'un couteau poignard, le serra avec une sorte de joie sinistre dans la poche de son habit et gagna ensuite l'avenue Gabriel. Les persiennes de tous les étages de l'hôtel de Carmela étaient fermées et pas une lumière n'apparaissait. Une vive contrariété se peignait sur le visage du bâtard. Puis, pensant que la créole était au théâtre, il alla se poster en embuscade derrière les arbres de l'avenue. « Nous le laisserons à son poste d'observation et nous retournerons à la maison de santé du docteur Cavarox. » Les aboiements du chien avaient été entendus et l'ex-brigadier de dragons qui servait de concierge quitta brusquement sa pipe, prit une lanterne et courut vers l'endroit d'où les aboiements partaient. Il trouva le chien le nez en l'air et les yeux fixés sur la partie du mur par où Don José venait de s'enfuir. « Qu'est-ce que ça signifie ? » se demanda-t-il. « Est-ce qu'une évasion aurait eu lieu ?» Il retourna sur ses pas, passa en revue un à un les chalets, et il s'aperçut qu'un des barreaux du pavillon numéro 3 manquait. Il réveilla en toute hâte le gardien et lui apprit que son prisonnier s'était évadé. Ce dernier eut bien vite vérifié l'exactitude de ce renseignement. Il ouvrit la porte du fou, la chambre était vide. « Il ne peut être loin, et je vais me mettre à sa poursuite, » dit-il en s'habillant précipitamment. « Mais vous ignorez quel chemin il aura pris. » lui fit observer l'ancien dragon. Le plus pressé, c'est d'informer le docteur Cavarox de l'événement qui a eu lieu. C'est vrai, mais où le trouver? Le docteur passe une partie de ses soirées à avenue Gabriel, chez madame la duchesse de Clodion, dont la fille est souffrante. Il est à peine 9 heures et vous avez chance de l'y rencontrer encore. Vous avez raison, répliqua le malheureux gardien. En ne perdant pas une minute, je pourrais peut-être le rejoindre chez madame la duchesse et s'il est parti, j'irai chez lui boulevard Malesherbes. Quelques instants plus tard, il sortait de la maison de santé. Il est maintenant indispensable, pour l'intelligence des événements qui vont suivre, de raconter la visite que Sir Johan Astley avait reçue dans la journée sur le coup de 2 heures. Il revenait de la Banque de France, où il était allé retirer ses millions, lorsqu'un valet lui annonça qu'un étranger demandait à l'entretenir d'une affaire urgente et lui remit en même temps la carte de ce visiteur inconnu. Sir Johan prit la carte, et lut, non sans étonnement, M. Bricard, brigadier de la police de sûreté. « Conduisez ce monsieur dans mon cabinet, dit-il. » Le valet se retira, et lorsque Sir Johan eut rejoint l'agent de police, il lui demanda de quelle affaire urgente il désirait lui parler. « Je viens vous donner avis, Milord, répondit le brigadier, qu'une bande de voleurs de la pire espèce doit s'introduire une de ces nuits dans votre hôtel afin de s'emparer des valeurs considérables qui y sont enfermées. « Je le sais. » répondit Sir Johan sans manifester aucune surprise, et j'ai même d'excellentes raisons pour supposer que le coup aura lieu cette nuit. Cette réponse, faite avec un flegme tout britannique, déconcerta un moment l'agent. Mais, Milord, puisque vous êtes si bien renseigné, pourquoi n'avez-vous pas prévenu mon administration ? Sir Johan se mit à sourire. Nous avons pour habitude, nous autres Américains, de faire nos affaires nous-mêmes, reprit-il, et nous ne nous en trouvons pas plus mal. M. Bricard, quelque peu scandalisé du médiocre cas qu'on semblait faire de l'administration à laquelle il appartenait, se mordit les lèvres. « Milord, répliqua-t-il d'un ton sec, vous ignorez peut-être à quel danger vous vous exposeriez si la police n'intervenait pas dans les circonstances présentes. Vous pourriez fort bien être assassiné. » D'où tenez-vous donc ces renseignements ? Repartit le prétendu anglo-américain, sans paraître le moins du monde ému de cet avertissement philanthropique. Ces bandits ont tué un de leurs camarades. Sa veuve est venue dénoncer au chef du service de sûreté le complot qui se trame contre vous, dit le brigadier. Et je suis chargé de vous demander si vous voulez qu'on place des agents dans votre hôtel afin d'y organiser ce que nous appelons une souricière. Je remercie votre chef de ses bonnes intentions, répondit Sir Johan Astley, mais je saurai me protéger tout seul. Ainsi, mais il refuse notre concours de la façon la plus péremptoire, et si contre ma volonté la police voulait intervenir dans cette affaire, j'en référerai sur le champ au ministère plénipotentiaire des États-Unis. Vous êtes maître chez vous, Milord, dit le brigadier, mais s'il vous arrive quelque chose de fâcheux, vous n'aurez vous en prendre qu'à vous-même, car la police n'agira que lorsque le vol aura été consommé, afin de prendre les bandits en flagrant délit. Il se retira sur ces mots, et en se retirant, il ajouta par lui, « Ces Anglais, quels originaux !» Le rendez-vous que Carmela avait donné à Hector de Livron était, on se le rappelle, à 10 heures du soir. Elle avait soldé les gages de ses gens et les avait tous congédiés, à l'exception de Rose. Dans sa chambre à coucher, qui donnait sur les derrières de l'hôtel, tout annonçait un prochain départ. Les malles étaient bouclées et les caisses encombraient le parquet. Un changement complet s'était produit dans la physionomie de la créole. Un feu inaccoutumé s'échappait de ses magnifiques yeux noirs, et sur ses lèvres errait un sourire à la fois inquiet et cruel. La pendule marquait 10 heures lorsque le vicomte entra. Après quelques paroles échangées, Carmela, le regardant en face, lui dit d'un ton bref « Je vous annonçais ce matin qu'avant d'enchaîner mon existence à la vôtre, j'exigerai de vous une preuve irrécusable de votre amour. « Parlez, répondit Hector. « L'heure des dissimulations est passée, continua la créole. « Je sais tout. »« Tout ?» fit l'ex-ténor avec un léger tressaillement. « Tout, c'est bien vague. Tu m'as trompé indignement. Tu m'as effrontément menti. Tu es marié. » s'écria Carmela, incapable de se contenir davantage. « C'est vrai, » dit froidement le vicomte. « Mais puis-je faire que cela ne soit pas ?»« Non, mais tu peux le défaire. Je ne comprends pas. » « Ta femme est là, dans l'hôtel de la duchesse de Clodion. » Ce ressort caché dans un panneau, je n'ai qu'à le pousser et une porte secrète qui communique chez la duchesse va s'ouvrir. Ensuite, je ne veux pas d'obstacle entre toi et moi. Comprends-tu à présent ? Carmela, en prononçant ces paroles, pressa le ressort et la porte de communication s'entr'ouvrit. Va, continua l'implacable créole en mettant un poignard dans la main d'Hector. Va, et ne reviens que libre. Vous voulez que j'assassine ma femme ? Oui. Où je te fais chasser par mes gens et tu rentreras dans la fange dont je t'ai tiré. » Le vicomte haussa les épaules. « Oubliez-vous donc, ma chère, que vous avez, en prévision de votre départ, renvoyé toute votre bataille. Rose est ici. Je vais lui ordonner de te mettre à la porte si tu ne sors pas de chez moi à l'instant, » répondit Carmela en tirant avec violence le cordon de sa sonnette. Hector, au lieu de s'éloigner, s'en alla tranquillement fermer la porte de communication, puis il s'étendit sur un divan et alluma un cigare. La créole était pâle de rage. En ce moment, on entendit un bruit de pas. « Rose, Rose, arrivez donc » dit-elle, en courant ouvrir la porte de sa chambre. Tout à coup, elle recula. M. Mélinet était devant elle. « Que vient faire ici cet homme ? » fit-elle avec étonnement, en voyant l'usurier de la rue des Saules. Pour toute réponse, M. Mélinet enleva sa perruque blonde. La créole ne reconnut pas tout d'abord Maresco. Toutefois, il lui sembla avoir vu autrefois cette figure. « Je suis donc bien changé, » dit le capitaine, « puisque Carmela ne reconnaît pas son ancien adorateur. » De pâle qu'elle était, la créole devint livide. « Vous, vous ? » balbutia-t-elle avec épouvante. « Les morts reviennent donc ?»« Les morts ne reviennent pas, mais ceux qu'on a jetés au fond d'un désert ont quelque chance d'en sortir, » répondit Maresco d'un ton glacé, « et la preuve, c'est que me voici. »« Vous venez me tuer, n'est-ce pas ?»« Vous tuez, moi, allons donc. » J'ai trop de savoir-vivre pour me permettre cette fantaisie. Et jusque dans mes vengeances, et vous savez si la mienne est légitime, j'ai l'habitude de mettre des formes. Mais alors que voulez-vous ? Je vais vous le dire, répondit le capitaine avec la froideur d'un juge qui prononce un arrêt. « Quoique vous soyez jeune encore, Carmela, votre existence est plus remplie de crimes que celle d'un forçat arrivé à son dernier terme. De votre beauté, vous avez fait une amorce fatale pour tous ceux qui ont eu la faiblesse de s'y laisser prendre. C'est en me disant « je t'aime » que vous m'avez conduit à assassiner le duc de Clodion. Plus tard, c'est vous qui m'avez poussé à vous débarrasser du fils légitime du duc au profit du bâtard en me faisant croire que vous partageriez avec moi un héritage volé. Et c'est vous, enfin, qui, pour me récompenser d'être devenu deux fois assassin, m'avez livré au chef indien. « Je suis perdu, » pensa la créole. « Tout sceptique que je sois, » continua Maresco, « je suis bien forcé de reconnaître qu'il y a là un justicier divin qui vous a donné à vous, la femme perverse entre toutes, un cœur pour aimer et pour souffrir. Vous aimez Hector, et cet amour sera votre châtiment. C'est votre amant adoré qui réglera nos comptes, et en mourant frappé par lui, la mort vous semblera mille fois plus horrible. « Ah, c'est impossible !» fit Carmela, à moitié folle de terreur, en courant vicomte. « Dites-lui donc que tu m'aimes. Dis-lui donc que s'il voulait arriver à moi pour me tuer, il te rencontrerait pour me défendre. » Hector garda le silence. Le capitaine alors consulta sa montre et ouvrant la porte. « 10h30, » dit-il au vicomte. « Fais tes affaires, moi je vais m'occuper des miennes, et n'oublie pas que le partage du trésor de l'Anglais aura lieu cette nuit après le coup, dans le caboulot de l'éléphant. » Puis, se tournant vers la créole, « Adieu, Carmela. » « Adieu, je te laisse avec mon vengeur. » La porte se referma, et Carmela, en voyant Maresco s'éloigner, sentit l'espérance renaître dans son cœur. « J'ai eu tort tout à l'heure. » dit-elle à Hector, en lui prenant les mains et en les serrant dans les siennes. « Oui, je suis allé trop loin, en te demandant la mort de ta femme. Mais tu ne saurais m'en vouloir. Si je suis jalouse, c'est que je t'aime, c'est que je veux que tu sois à moi, rien qu'à moi, uniquement à moi. Tu me comprends, n'est-ce pas, et tu me pardonnes. » Le vicomte demeura silencieux. « Vois combien est grand mon amour, » poursuivit-elle, en lui baisant les mains. « Je voulais être ta femme, c'était mon rêve, mon ambition. Eh bien, je resterai ta maîtresse, et cette fortune que je possède deviendra nôtre, es-tu satisfait ?»« Je veux tout ce que renferme le portefeuille, » répliqua Hector d'un ton impérieux. « Tu veux mon or, pour toi seul, et me laisser dans l'abandon et la misère ?» Il ne répondit pas. Carmela alors s'adossa par un mouvement désespéré contre le secrétaire, où elle avait placé les 800 000 francs. « Le portefeuille ! Le portefeuille !» fit Hector, s'armant du poignard qu'elle lui avait remis et s'avançant sur elle. « Hector, mon Hector bien-aimé, » dit-elle en se jetant à ses pieds, « tu ne t'abaisseras pas jusqu'à me voler, toi, un gentilhomme. Place, te dis-je, » répliqua-t-il en continuant à s'avancer. Carmela comprit que toutes ses supplications seraient vaines et se relevant par un bond rapide. « Lâche, misérable, » s'écria-t-elle, « tu n'arriveras à mon or qu'après m'avoir tué. » Et elle s'élança comme une bête fauve sur le vicomte afin de lui arracher le poignard des mains. Surpris par cette agression inattendue, il recula et le poignard lui échappa et tomba à terre. Alors commença des deux côtés une lutte acharnée pour s'emparer de l'arme qui deviendrait le salut pour l'un et la mort pour l'autre. La lampe qui éclairait cette scène indescriptible fut renversée et se brisa sur le parquet. Et malgré les ténèbres qui les enveloppaient, la lutte continua. Les ongles, les dents, ils se faisaient armes de tout. Durant plusieurs minutes, le combat demeura indécis. Enfin, Hector parvint à étreindre la créole à la gorge. Suffoquée, râlante, elle se débattit quelque temps sous cette terrible étreinte. Puis peu à peu, ses efforts désespérés se ralentirent un à un, ses bras se détendirent, des tressaillements convulsifs annoncèrent que la vie se retirait d'elle, enfin, elle poussa un long soupir et s'affaissa sur le sol. Carmela était morte. L'assassin alluma encore une bougie et marcha droit au secrétaire. Le secrétaire était fermé à double tour. Il essaya de le briser, mais en vain. Il pensa que la clé devait être dans une des poches de la robe de la créole et revint sur ses pas, puis se baissa sur le corps chaud encore de sa victime. Il ne s'était pas trompé, la clé était là. Il la prit, se dirigea de nouveau vers le secrétaire et l'ouvrit. Sur la planchette de devant était le portefeuille, tout gonflé de billets de banque, et à côté plusieurs écrins renfermant des joyaux. Déjà il avançait la main pour s'en saisir, lorsque la porte de communication des deux autres qu'il avait fermée se rouvrit. Il se retourna brusquement, et un spectacle terrifiant frappa ses regards. Sur le seuil de la porte apparut Don José armé de son couteau. Le vicomte d'abord ne sut pas quel était celui qui venait d'entrer. avait-il devant lui le duc de Clodion ou le bâtard? Il ne comprit qu'une chose, c'est qu'un duel sans merci allait avoir lieu entre lui et cet homme, quel qu'il fût. Apprenons tout de suite comment José, qui dans sa folie croyait être Jean de Clodion, se trouvait sur le théâtre du crime. Après être resté pendant une demi-heure sous les arbres de l'avenue Gabriel, sans qu'aucune lumière ne se montrât à travers les rideaux des fenêtres de Carmela, il vit un homme entrer dans l'hôtel, puis en sortir au bout de peu de temps avec Rose. « S'il est chez elle, pensa-t-il, elle est seule à présent. » Il fit un pas et s'arrêta tout à coup. Il venait de se dire, avec cette lucidité d'esprit particulière au fou, dominée par une idée fixe, que les autres serviteurs de la créole n'étaient peut-être pas couchés. Et il attendit encore. 10 minutes s'écoulèrent, et l'hôtel demeurait toujours plongé dans l'obscurité. « Ils dorment, » fit-il, en quittant son poste d'observation. Arrivé devant l'hôtel qu'il avait habité autrefois, il tira de sa poche la clé microscopique dont il s'était servi si souvent la nuit pour entrer sans faire lever le concierge, l'introduisit dans la serrure de la petite porte contiguë à la grille et l'ouvrit. Au lieu de prendre par le grand escalier, il monta par l'escalier de service et gagna son cabinet de travail qui communiquait par un passage secret à l'hôtel de Carmela. Quand il fut là, il chercha le ressort qui faisait ouvrir la porte. Mais comme il était sans lumière, il ne le trouva pas tout de suite. Il finit cependant par poser la main dessus, il appuya et la porte s'ouvrit. Il s'arma alors de son couteau et entra alors chez Carmela pour la tuer. Mais à la place de la créole vivante, le fou n'aperçut que son cadavre et un homme occupé à dévaliser le secrétaire. Une réaction soudaine et terrible se fit dans son cerveau troublé. Il vit rouge. Une fureur de bête fauve s'empara de lui. Il était venu pour tuer et il fallait qu'il tuât. Il se précipita son couteau en avant sur l'homme en criant « Voleur, assassin !» Hector, épouvanté, chercha à gagner la porte pour s'enfuir, mais le fou, plus alerte, la referma. Hector, voyant sa retraite coupée, ramassa promptement le poignard de Carmela, puis d'un bond, il franchit les lits de la morte et se mit à l'abri derrière la ruelle. Le fou, irrité de la fuite de l'assassin et sans tenir compte de l'obstacle qui les séparait, s'élança sur lui avec tant de violence que les rideaux et le ciel de lit se détachèrent et les enveloppèrent tous les deux comme dans une sorte de filet. Aussitôt commença un duel étrange et sans nom. Un duel dans l'ombre où chacun d'eux cherchait la place où il frapperait l'autre. C'était des rampements ténébreux, des enlacements comme ceux des reptiles, et quelle que fût la douleur des blessures reçues, pas un cri, pas une parole, pas une plainte. On n'entendait que le souffle haletant de deux poitrines. Dans un mouvement que fit Hector, son poignard se brisa. Il essaya alors de prendre le fou à la gorge afin de l'étrangler, comme il avait fait peu de temps auparavant de Carmela. Mais le fou se débarrassa de son étreinte et le frappa de son couteau. Hector sentit le froid de l'acier qui pénétrait dans ses chairs, mais cette blessure surexcita sa rage et de sa main crispée, il parvint enfin à saisir José à la gorge et ne le lâcha que lorsqu'il le crut mort. Ensuite, il se dégagea des plis des rideaux et se traîna vers le secrétaire dans lequel était renfermé le trésor. Mais un nouveau bruit l'arrêta. Le fou était revenu à lui, et lentement il s'était soulevé en tenant toujours son couteau à la main. Hector comprit l'imminence du danger, et à défaut de son poignard, il s'empara d'un des chenets de la cheminée et le lança à la tête de son adversaire. Le coup avait porté si d'aplomb que José tomba comme une masse inerte, le crâne fracassé. Cette fois, il était mort, bien mort. Mais Hector, incertain de l'avoir tué, saisit de nouveau le chenet et en martela la tête du fou. Fou, Hector l'était lui-même. Il était arrivé à ce moment où le sang aveugle et où l'homme frappe avec l'inconscience de la brute. Sous ses coups redoublés, le visage de José ne fut plus bientôt qu'une large plaie sanguinolente et informe. Il ne cessa de frapper que lorsque la blessure qu'il avait reçue et qu'il avait pour ainsi dire oubliée le contraignit à lâcher le chenet. Cette blessure d'où le sang s'échappait en abondance avait épuisé ses forces. Un nuage rouge passa sur ses yeux et ses oreilles bourdonnèrent. Alors, il essaya de se lever et de marcher. Mais tous les meubles se mirent à tournoyer autour de lui. « Vais-je donc mourir ?» se dit-il. « Mourir au moment où je touche à la fortune ?» Il fit un nouvel effort et parvint à se traîner sur ses genoux jusqu'au secrétaire. Là, il allongea le bras pour prendre le portefeuille. Un flot de sang lui monta à la gorge et le suffoqua. Instinctivement, Hector de Livran porta la main à sa bouche. Il la retira toute rouge. Il comprit qu'il allait mourir et la peur le prit. Il promena autour de lui des yeux effarés et il crut voir les yeux tout grands ouverts de la morte qu'il regardait avec une horrible fixité. « On dirait qu'elle ressuscite, persiste à mon agonie !» pensa-t-il. Bientôt une sueur glacée inonda tous ses membres. Sa respiration, d'instant en instant plus embarrassée, ressemblait à un sifflement. La mort approcha à grands pas, et cependant il avait encore la perception de son état. Tout à coup la sonnette extérieure de l'hôtel retentit violemment. Il tendit l'oreille et écouta. Plusieurs autres coups suivirent. « La police, sans doute, » murmura-t-il. Il disait vrai. Un agent, qui était passé quelques minutes auparavant sous les fenêtres de l'hôtel, avait entendu le bruit de la lutte et s'était arrêté en se disant « On s'égorge là-haut ». Et comme le bruit avait redoublé, il était allé prévenir le commissaire de police du quartier, et c'était ce magistrat qui venait de sonner. N'ayant reçu aucune réponse, le commissaire fit ouvrir la porte par un serrurier qu'il avait requis, puis il entra, suivi de l'agent. Ils traversèrent plusieurs pièces sans rencontrer rien de suspect, et déjà l'agent de police se repentait de son excès de zèle lorsqu'en pénétrant dans la chambre à coucher, un horrible spectacle s'offrit à leur regard. La créole, étranglée, gisait dans un coin de cette chambre. Au milieu était étendu le bâtard, tellement défiguré qu'il n'avait plus face humaine. Enfin, adossé au secrétaire, Hector de Livran se tordait dans les dernières convulsions de l'agonie. « L'horrible boucherie !» dit le commissaire. « Il sera difficile d'en connaître la cause, car ce pauvre diable, qui seul aurait pu nous renseigner, me semble bien malade, » reprit l'agent, tout en approchant un verre d'eau des lèvres du dernier survivant de ce drame épouvantable. En ce moment, Hector fut pris d'un tremblement convulsif. Ses yeux s'agrandirent, un spasme suprême s'échappa de sa poitrine et sa tête retomba sur le parquet. Pendant que le commissaire de police prenait des notes pour rédiger son procès-verbal, l'agent retira de la poche d'Hector un petit agenda de cuir de Russie qui contenait des cartes de visite armoriées. « C'était un vicomte, » dit-il après l'avoir lu, « le vicomte Hector de Livran. Et l'autre, quel est-il ? » demanda le magistrat. L'agent chercha dans les vêtements, et José n'y trouva rien de nature à faire constater son individualité. Le bâtard n'avait aucun papier sur lui, et son visage martelé de haut en bas par les coups de chenet était méconnaissable. « Quant à celui-là, » dit l'agent de police, « je défie bien qu'on sache jamais qui il peut être. »